elles sont hyper performantes parce que c'est extrêmement différent. Tu as des filles de 36 ans, celles qu'on a dit, il y a des filles de 18 ans, il y a des filles qui ont connu déjà 3 Coupes du Monde, il y a des filles qui découvrent le haut niveau. Voilà. Et cet amalgame-là, il est extrêmement performant parce que celles d'en haut, elles ont une capacité à donner l'exemple et donner l'envie et donner les bons moteurs qui vont te faire travailler. Et de recadrer même. Et de recadrer, voilà. Ça, tu verrais, là, nous, on fait rien. Hein. C'est elles qui se recadrent entre elles. Et c'est les anciennes qui recadrent les jeunes. Présentez-vous qui je suis. Merde, on se prend pour qui? C'est bien, bro, continue comme ça, bro, c'est bon. On va pas parler de technico-tactique, de tactique, là, on va les destroncher, puis voilà. Ben non, le bouclier, c'est bon, le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau, c'est l'aventure humaine, quoi. Après, bon, le bouclier, ouais, c'est un morceau de plage, il flotte, hein. Un pilier un jour lui a dit « Je t'ouvre la tête comme un livre ». Et Trinini lui a répondu « À quelle page ?» Et à chaque fois. Eh bien aujourd'hui je suis avec le staff du Montpellier Hero Rugby Féminin, composé de 3 personnes que je vais laisser se présenter. Voilà. Olivier Clessienne, entraîneur en charge plutôt des avants. Ouais, tu peux voir ton parcours, comment t'es arrivé à ce poste-là, quelle était ta carrière de joueur, voilà, au niveau général. Mon parcours de joueur? Ouais, ce serait sympa. J'étais commencé à Paris. Oui. Toute ma jeunesse sur Paris, sur Rennes, après le PUC. Ouais. Rebasculer à sur Rennes et envie de bouger, donc partir dans le sud, à Montpellier. T'es parti à quel âge? 20 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. 20 ans à Montpellier. Une saison un peu compliquée parce que pris par le service militaire et donc pas trop de possibilité de jouer. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait après? Faut que j'ai bougé, moi. après Montpellier, je suis parti à Nîmes. Nîmes, licence rouge. Oui. Un an sans jouer encore. Ça faisait 2 ans. Donc j'ai dû me refaire la cerise en groupé à l'époque, c'était à Cérignon à côté de Béziers. Ok. Et après, je suis remonté sur le Stade français. Je suis contacté par le Stade français à la fin de la saison et donc je vais jouer au Stade français. Je fais un an très intéressant là-bas. Et après, je passe par Massy. Et après, je suis pris en joker médical à Nîmes, okay, qui était en première division à l'époque. Bon, le club se casse un peu la gueule au milieu de saison, avec des problèmes financiers, et j'atterris à Montpellier. Ok. Et après, j'ai pu bouger. Donc à 25 ans, tu t'installes à Montpellier? Ouais, un peu plus que ça. Ouais, 26 ans. Ouais. Et tu jouais pilier? Pilier ou talonneur. Ouais. Et des deux côtés, à la pile? Non, que gauche. Ok. Que gauche. Les lâches. Et ouais, je finis ma carrière en 2003. Ok, et à ce moment-là, le club était où? Champion de France de Pro D2, ça monte. Et voilà quoi. Et une autre aventure qui commence de coach, oui, avec les filles, de suite, pendant un an. Et après, pendant 3 ans avec Patrick en Cravos. Après, j'arrête pour regarder un peu grandir mes enfants. Oui. Et une saison à Palavas avec des potes en tant qu'entraîneur, avec des joueurs avec qui j'avais joué, donc vraiment pour l'esprit clocher et potes. Et après, de nouveau, j'arrête. Et il y a 4 ans, les joueuses virent les entraîneurs au mois de février. On avait pas mal de disponibilité avec Patrick à ce moment-là, donc on était un peu les pompiers de service. On voulait finir que la saison. Enfin, moi, à la base, je voulais finir que la saison. Donc, c'était en mois de février, il restait 4 mois à faire. Donc, j'ai dit, bah, je finirai les 4 mois, quoi. Ah oui. Malheureusement, ça fait 4 ans, quoi. Donc, voilà. Ouais. Le parcours. Très bien. Toi, Patrick? Le malheureusement, je dirais. Heureusement. Alors moi j'ai suivi mes parents, donc à 14 ans j'arrive à Rodez. Bon, j'avais déjà joué au rugby dans des écoles de rugby, en particulier à Sainte-Foy-la-Grande, c'est pour ça que ce matin j'en parlais. Et donc j'arrive à Rodez vers 14 ans, 13-14 ans, minimum deuxième année, donc c'est 13 ans. Et puis là je suis resté à Rodez jusqu'en contacté. Ouais. Donc, sachant que j'étais étudiant à Montpellier, Bézins qui montait en PB à l'époque, ils m'ont contacté pour aller jouer chez eux. Donc j'ai fait un an et demi, j'ai arrêté au milieu de saison parce que ça se passait pas bien. Et à ce moment-là, c'est le MUC qui m'a contacté. Ah oui. Et donc j'ai signé au MUC, c'était en l'année 83-84. Donc le MUC, c'est l'ancêtre du MHR ? Alors le MUC, c'est le Montpellier Université Club, oui. Qui est un des deux clubs qui a fusionné pour créer le MRC, oui, le Montpellier Rugby Club, oui. Qui a fusionné avec le stade de Montpellier. D'accord. Et la fusion se passe en 88-89, je pense. Donc le MUC était monté en première division groupe B, oui. Et le stade de Montpellier en deuxième division. Et ces deux clubs ont fusionné, okay. Pour créer le MRC. Et donc j'ai joué trois saisons au MRC. Et j'ai arrêté de jouer en 89-90, je pense. C'est le moment où, à cette époque-là, il y avait des poules de 4. Hein, les deux premiers basculaient en poule en hot, groupe A. Ouais, poule hot. Et les deux suivants basculaient en poule en groupe B. Voilà. D'accord. Nous, on perd deux fois contre Coulommiers. Coulommiers Lourdes. Hein. Et donc on bascule en groupe B. Et après, moi j'ai arrêté à ce moment-là. Tu avais quel âge ? 30 ans. Ouais. 29 ou 30 ans. Mal de problème de dos, et donc j'ai arrêté. L'année d'après, j'entraîne les Réchelles. Après, les cadets, avec Jean-Michel Razo, les cadets, à cette époque-là. Et puis après, depuis, j'ai toujours entraîné une équipe de jeunes, quoi, en passant des Côte-Hermann, la Mercerie, Cravos, Réchelles, Espoir. Enfin, j'ai fait toutes les. Enfin, c'était pas les espoirs à l'époque, c'était la nationale. Ouais. Et puis, sur les dernières années, je faisais un rôle de coordinateur sportif. Donc, on faisait. J'avais les deux équipes cadets et les Crabos. Et puis, Jean-Phi faisait Réchelle Espoir. Oui. Et Pascal Mancuso chapeautait le tout. Voilà, c'était la première organisation. Donc, Jean-Phi, le directeur du centre de formation. Ouais. Ouais. Et voilà, c'est la première organisation hors coach qu'on avait monté en place, qu'on avait mise en place. Ok. Qui fonctionnait bien. Et toi, tu jouais quel poste ? Alors moi, j'ai joué tous les postes derrière. Quand j'étais jeune, je jouais 15 et des fois 10. Et puis à Montpellier, j'ai joué centre et j'ai fini à l'aile. Ok. Voilà. Quel type de joueur ? Un peu con. Ok. Un peu bête. Ouais. Non, pas comme certains. Oui. Bête, pour un 3 quarts, pas bête mal, de derrière. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Non, moi j'étais plutôt sur la vitesse et l'évitement. Carrément, c'est clair. Ouais. Après, il y a quelque chose que je dois dire qui, dans ma formation, a été très importante. Bon, j'ai fait une formation STAPS et j'ai rencontré André Killis, qui est pour moi un des grands monuments du rugby, qui m'a fait connaître plein de gens hyper importants comme René de Leplace, Villepreux, Bru à l'époque. Hein. Conquête de Baluez, enfin, tous ces gens-là, il m'a fait faire plein de stages avec eux. Ça a été vachement formateur, mais lui-même était extrêmement pointu, avec une grande capacité de synthèse des différents courants de travail sur les entraînements qu'il y avait à ce moment-là, quoi. Parce qu'il y avait les courants de la Fédé, le oui. Courant de Leplace, hein, le courant de Baluez qui était, et de Conquête qui n'était pas tout à fait pareil. Enfin, et lui, il arrivait à faire une synthèse de tout ça qui était assez performante. D'accord. Ouais. Et ce monsieur, il a écrit des livres ? Non, il a écrit beaucoup d'articles. D'accord. Beaucoup d'articles, mais non, il n'a pas écrit de bouquin. Ok. Et toi, Robin, quel est ton parcours ? Et ton poste aujourd'hui ? C'est bien, tu as commencé par les dinosaures. Moi, ça sera beaucoup plus rapide. c'est une étoile filante. J'ai commencé le rugby à Pézenas quand je suis rentré en France avec mes parents expats. Rentré de Tunisie, j'ai découvert le rugby entre Hollande et le rugby. Chez moi, ça fait vite le rugby, c'était plus sympa avec les copains. De Pézenas à 10 ans, dès qu'on est arrivé au lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire, mes parents m'ont proposé de postuler à Mermoz sur la section. Bon, pour le coup, c'était une bonne expérience, on va dire. Ça m'a bien servi. Je suis allé à Montpellier, toujours en licence avec Pézenas, et puis l'année d'après, Montpellier me demande de rester aux entraînements et de jouer avec eux. Oui. Mais vraiment, pour les copains, je le fais. Parce qu'on était une belle bande de copains et je me dis, ouais, je joue plutôt à Montpellier et je vais jouer avec eux. Quoi. Donc, comme ça, jusqu'à Réchelle. Et à partir de Réchelle, plus cette ambiance copain, donc moi, sans ça, je ne voyais pas le sport. Donc je rejoue une dernière fois avec les mecs sur toutes les fédérales, 2, 3, où ils étaient repartis. J'ai fait Pesnage, Jacou pour faire le tour de tout le monde. Et une fois que j'ai joué avec tout le monde, basta, au revoir, oubliez-moi. Et je m'étais consacré à l'université en STAPS. J'étais prêt à partir faire des stages en Belgique avec Rugby Afrique, des choses comme ça. J'ai envoyé des CV partout parce qu'à Montpellier, j'avais fait le tour. Et à ce moment-là, le PP des filles part faire la thèse avec la Fédé. Donc préparateur physique. Voilà, préparateur ouais. physique. Et Pascal Moncuso, qui était monsieur rugby à la fac, oui. me demande de venir rapidement prêter main forte. Okay. Donc comme Olivier, c'était pas le point de départ, mais j'y vais à reculons et ben, pour le coup, moi, ça fait 8 ans. Donc du coup, ouais. j'ai pris perpète. c'est au sein de du lycée Mermoz, ou de la section sportive, ainsi qu'avec les féminines, dès le début? Non, dès le début, non. Moi, j'ai commencé... moi, le rugby féminin m'a fait avoir un job. C'est ouais. ça... du rugby, je découvre deux filles, Manon Toupin et Ludy Poublan, qui ont bien sympathisé avec moi, qui ont ouvert avec moi des qualités de je sais pas trop quoi. Ouais. Donc du coup, me disent « Putain, en club, il y a quelqu'un qui cherche du boulot dans les actions sociales. Tu sors tout juste de la fac, t'as pas de boulot, ça te dirait pas de faire ça. » Et j'ai dit « Allez, je vais postuler, on verra bien. » J'ai été pris. Donc au lieu de faire les vendanges, comme je m'étais dit, ou de partir à l'étranger, je lui ai dit « Je vais aux actions sociales du club au fonds de dotation. » Avec Célia Ferrero, une ancienne joueuse aussi. Et de là, je fais 6 ans au fonds de dotation. Et puis là, j'ai rattrapé le poste de Manon Toupin qui m'avait présenté à l'époque là où j'étais, qui allait partir et qui a laissé une place vacante. Et j'ai pris son poste sur toute la section collège, avec les jeunes et partenariats qu'on a avec le collège Simone Veil, un peu de section lycée avec le lycée Jean Mermoz et le suivi de tout ce qui était cadette en famille d'accueil. D'accord, donc tu es sur le terrain aussi en tant qu'entraîneur ? En tant qu'entraîneur, ouais. J'ai une double casquette qui me permet d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Ok. Et donc tu interviens avec les stagiaires des collèges et lycées ? Les stagiaires des étudiants. Okay. Ouais, les élèves même, c'est des jeunes. Ouais. D'accord. Donc, j'ai un volet qui va de 12 à 18 ans, filles okay. ou garçons, au sein du club, plus les seniors féminines. Ouais. Très bien. Ouais. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle de la structure qu'a mise en place le MHR au niveau des féminines. Notamment cette fameuse section sportive au lycée Mermoz, là où je t'ai connu, Olivier, parce que moi j'y étais aussi en passé tant que jeune, là, ouais, jeune lycéen. J'ai une belle image de toi encore, moi aussi. Un ukulélé, une vidéo, non Non, il n'y a pas de vidéo, il n'y en avait pas à l'époque. Moi j'en avais une, je pense qu'elle peut être retrouvée. volontiers. Ouais, la section... Alors pourquoi ça a marché vite à Montpellier ? Pourquoi ça a été vite mis en place à Montpellier et pas dans d'autres villes, clubs ? Sur les sections rugby. Ouais. Ça a été une volonté du club déjà de se... Le club est parti d'un constat en 99 en disant que les entraînements de club ne suffisaient pas à travailler tout ce qui était technique individuelle, préparation physique, etc. Donc de ce constat-là, ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Moi, j'y étais pas encore, d'accord. Je suis arrivé en 2000. Donc l'année d'après après l'ouverture. Et donc j'ai eu la chance de suite, quand je suis arrivé au club, en tant que joueur, oui. d'être salarié aussi, en tant qu'entraîneur, et m'occuper de la section, à l'époque c'était sur Joffre et Mermoz, de lycée côte à côte, et voilà, de développer trois fois par semaine des entraînements et de préparation physique et d'entraînement technique. Et je pense qu'il y a eu d'autres clubs qui ont essayé de le faire. Après, ça demande des moyens humains. Ça demande d'avoir des établissements scolaires qui jouent le jeu. Donc avec des horaires aménagés, avec de l'internat. Enfin, c'est une grosse structure. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est axé sur le lycée Mermoz, plus que Joffre, qui attendait des sportifs, quoi, qui voulaient bosser avec nous. Ok, et donc concrètement, ça ressemble à quoi la semaine d'une jeune cadette aujourd'hui ? Les filles y étaient de suite ? Alors, y étaient de suite, Jenny, en l'occurrence. Jenny Fertron aussi était une des premières candidates. Oui. Dès la première promotion, il y avait des filles et des garçons. Voilà. En sachant que les filles étaient très minoritaires. Hein, oui. Les premières années, elles étaient deux. Hein. Donc, sur une trentaine de garçons, c'était vraiment dur pour elles. Maintenant, il y a vraiment, depuis 3-4 ans maintenant, vraiment un élan sur le rugby féminin. Et là, cette année, on est une trentaine de joueuses maintenant. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment... Réparti sur trois générations. Réparti sur trois générations, ce qui représente la catégorie cadette au club. Et c'est 2/3 de l'effectif de Montpellier aujourd'hui, quoi. Ce qui aussi contribue à avoir des résultats en club, quoi. Totalement. Donc un emploi du temps, c'est facile, c'est le lundi. Alors il y a deux groupes le lundi. Les terminales qui sont en musculation avec Romain. Pour les secondes et premières, elles sont techniques individuelles avec nous. Quand je dis nous, c'est avec Elodie Poublan. D'accord. Et le mardi, entraînement commun pour tout le monde. Physique et technique. Physique et technique. Et le jeudi, plutôt rugby que rugby. Ok. Et mercredi, vendredi avec, avec leur catégorie. Ok. Très bien. Il faut préciser une chose, c'est que ça se monte en 99-2000. Ouais. C'est Thierry Pérez qui est président à ce moment-là. Et qu'il y a une très forte volonté chez Thierry de lancer le rugby féminin. Et donc, dans la création de la section sportive, pour lui, il était hors de question que ce soit que des garçons. Quoi. Il voulait d'emblée qu'il y ait des filles qui rentrent. Ouais, et on a eu un président qui a été axé sur la formation, surtout. Qui a vraiment donné les moyens au club de se structurer sur la formation, que ce soit filles ou garçons. Mais c'est la création du centre de formation en 2001. C'est... 19, la section rugby, etc. Il était précurseur un peu en la matière. Tout à fait. Ce qui a permis l'éclosion de joueurs... Jeunes talents comme Fabien Doré. Non. C'est pas ça que je voulais dire. Non, je pensais plus à la génération 86. Ouais, il y a des... Ils sont passés par ce système. Julien Thomas est passé par la section, par le centre de formation. Enfin, il a fait toutes les classes, quoi, je dirais. Ouais. Donc, c'était en 85. Donc, ça, c'est la première génération. Après, il y a eu les Fulgence, Ouedrago, Picamol, Trinduc en 86, qui sont aussi passés par la section, les trois. Alors, François est passé après par le pôle. Pôle France. Oui, par le pôle France à Marcoussis, mais aussi sur le centre de formation. Oui. Donc, et puis après, il y en a eu plein d'autres. Oui, ça, j'en doute. Et du coup, là, quel type. Il y a une évolution aussi du profil des jeunes cadettes qui postulent pour entrer au MHR. Alors, honnêtement, ça fait 3 ans qu'on organise maintenant carrément des journées de détection parce qu'avant 3 ans, on prenait un peu ce qui venait parce que c'était vraiment pas nombreuses. Depuis 3 ans, on commence vraiment à sélectionner les filles. Donc, ce qui nous permet d'élever le niveau, hein, forcément, quand on choisit et que c'est plus la joueuse qui choisit le club, mais c'est le club qui choisit la joueuse, c'est toujours plus facile pour élever le niveau. Ouais. Et aussi au niveau des mentalités, j'imagine qu'il y a eu des évolutions. Ouais, le profil des filles qui arrivent change. Le profil des filles qui viennent faire la journée de détection sur les 3 dernières années, on voit l'évolution, quoi. La dernière détection qu'il y a eu il y a 10 jours, les filles, elles jouent au rugby, quoi. C'est des joueuses. Elles sont déjà formées techniquement. Enfin, il n'y a plus de grandes débutantes comme on pouvait voir avec un beau physique qui venait s'essayer au rugby sur une journée de détection. Ça n'existe plus. Oui. Là, c'est vraiment des joueuses qui ont déjà un passé rugbystique. Et elles viennent de toute la France quasiment. Cette année, beaucoup moins, parce qu'il y a des académies qui sont en train de se mettre en place. Il y a ce respect géographique, je dirais. Mais ça venait de très loin. Ça postule même de l'étranger. Ouais. D'accord. On a deux Espagnols qui ont passé cette journée et avec talent en plus. Oui. Ouais. Donc elles seront à la section l'année prochaine. Alors, là, au c'est le problème de langue française et de scolarité. Donc, je pense qu'il y en a une des deux qui passera par le CNED parce que c'est sa volonté. D'accord. Et la deuxième qui doit faire des tests en français pour savoir si elle peut entrer dans une structure lycée. Voilà. D'accord. C'est ça. Très bien. Et du coup, aussi, il y a une équipe en fédéral, il me semble. Tout à fait. Vous l'avez créée quand, cette équipe? Il y a deuxième équipe senior. Trois ans. Il y a 3 ans, c'était l'équipe à 7. C'est il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Deux ans. Donc, j'imagine avec une volonté de créer une passerelle entre cadettes et équipe senior qui joue à très haut niveau. Je pense qu'on est une des rares équipes en France aujourd'hui. Alors, c'est une équipe qu'on a. Le championnat s'appelle Fédéral 1 féminine. mais au sein du club, on les appelle les espoirs. Oui. Parce qu'on a la volonté de limiter au niveau de l'âge ces joueuses-là. C'est-à-dire que plus de 23 ans, d'accord. On essaie de plus les garder. On essaie de les redispatcher sur les autres clubs. Parce qu'on se dit qu'à 23 ans, si elle n'a pas joué à haut niveau, c'est qu'elle ne va pas aller de l'or plus tard. Quoi. Comme chez les garçons. Comme chez les garçons. Ouais, une passerelle. Donc on garde quelques, entre guillemets, anciennes pour gérer un peu ce noyau de jeunes. Mais voilà, vraiment la volonté du club a été de dire non, on crée une équipe espoir comme chez les garçons de moins de 23 ans. Ça permet d'accompagner aussi et de ne pas les jeter dans la nature si jamais elles ne sont pas intégrées au groupe première immédiatement. Ouais, et puis on se rend compte que la passerelle entre cadette et élite une féminine maintenant, et le fossé quand même est de plus en plus grand. Une fille de 18 ans pour jouer avec une autre aujourd'hui. Ça arrive. Hein. On a une fille de talent. On en a une encore demain. Ouais. Deux qui sortent de cadette de l'an dernier, mais c'est des phénomènes. Quoi. Oui. C'est rare. Et ça deviendra de plus en plus rare, je pense. Parce que le niveau de l'élite va augmenter. Ouais. Et voilà. Ouais, nous on le voit en 4 ans depuis qu'on y est. Ouais, le niveau technique, ça n'a rien à voir. Ouais. Après, il y a une grosse difficulté aussi en termes d'âge, hein, puisqu'on parle de ça, c'est la catégorie d'âge moins de 18 des cadettes, c'est 3 années d'âge. Et entre une première année et une troisième année, il y a une grosse différence. Quoi. Oui. Dans cette catégorie, il manque, catégorie. Quoi. Catégorie. Je vois. Mais peut-être des clubs auront des difficultés de faire deux catégories. Pour l'instant, c'est ce qu'on renvoie entre ça, la difficulté d'avoir des effectifs qui permettraient de le faire, et puis la multiplication des créations d'équipes, donc des financements qui sont de plus en plus durs. Hein. Plus tu multiplies le nombre d'équipes, et puis frais de fonctionnement, les voyages, c'est plus loin. Oui, c'est ça. Jusqu'à Rouen. C'est ça. C'est vrai. Et c'est vrai que le passage de moins de 18 à senior, c'est dur. Hein. Le haut niveau, c'est dur. S'il n'y a pas une équipe fédérale, il y en a beaucoup qui ne jouent pas chez nous. Ouais. Elles mettent 3 ou 4 ans. Toutes celles de chez nous qui sont passées par les cadettes ou quoi, elles ont mis 3 ou 4 ans à jouer maintenant en élite. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme les garçons. On a connu une époque au centre de formation où on devait sortir des joueurs du top 14, mais du bas au milieu de tableau de top 14. Maintenant, nos joueurs de centre de formation chez les garçons, il faut qu'ils sortent, bon, pas cette année parce que 9e, mais... Oui. Mais pour le très haut niveau, voilà, bien sûr. On cherche... Il faut que le gamin il soit déjà au niveau quand il aura 19 ans. Et c'est compliqué. Et aujourd'hui, pour nos cadettes, ce qui est compliqué, c'est que, ben voilà, on ne fait pas partie des dernières, mais on fait partie des premières, donc il faut qu'elles soient prêtes pour jouer dans le top 4, je dirais, du championnat. Quoi. Et du coup, l'avance que vous avez aujourd'hui au niveau féminin, c'est grâce à cette structuration qu'il y a eu en amont, vous pensez ? Non. Grâce à quoi alors ? En premier, c'est quand on est arrivé, il y avait cette équipe 1. Mais cette équipe 1, on arrive en milieu de saison, elle est championne de France. Deux fois déjà. Hein. Elle n'est pas double, elle a gagné, mais elle n'a pas la suite. Regagné. Ouais. Double championne, et ça avec vous, c'est la triple championne. Ça existe. Et ça, c'est parce qu'il y avait eu une politique avant de mettre en place une grosse équipe féminine à Montpellier qui tournait, qui était déjà. Ça y est, elle était arrivée au haut niveau, mais il n'y avait rien. Il y avait. Il y avait 10 cadettes. 10 cadettes, zéro minime, et puis pas de deuxième équipe. La deuxième équipe, elle faisait. Il y avait une deuxième équipe. Pas quand on est arrivé. À 7, parce que ça, c'était. Parce qu'il y avait la création. Elle jouait à 7. Mais ça, deux ans avant, elle est championne de France. Quand on est arrivé, elle n'y était plus. Ouais. Et on arrive sur un désert, quoi, à part l'élite, qui est un arbre qui cache tout. D'accord. Et pourquoi ça a toujours marché alors l'élite à Montpellier? Parce qu'elles étaient fortes. Il fallait voir l'équipe qu'il y avait. Quoi. Moi je crois que ce que disait Patrick tout à l'heure, là, Thierry Pérez qui a voulu avoir vraiment une équipe forte féminine et qui s'est donné les moyens en allant recruter d'emblée. Quoi. D'emblée voilà. Pas forcément en créant des cadettes, etc. Ouais. Mais il voulait vraiment avoir une équipe forte féminine. J'ai l'impression que c'est un peu comme au foot où Lyon, ce sont les meilleurs d'Europe parce que Ola, ça a été le premier à créer une section féminine. Donc ils gardent cette avance peut-être initiale, voilà. Un peu comme vous. Voilà. Alors après, nous, à partir du moment où on a perçu que c'était intéressant, quand on a dit, au lieu de faire à 6 mois, on va peut-être faire s'engager sur plus, mais à certaines conditions. Et les conditions, c'était qu'il y ait une amélioration pour le travail des filles, de l'élite, et qu'en même temps, on s'appuie sur la construction d'un réel projet féminin, donc avec équipe minime. Maintenant, il y a une trentaine de minimes, une quarantaine de cadettes. L'équipe fédérale espoir, elles sont 30-35 et elles ont perdu un match, donc elles vont se qualifier. Les cadettes ont perdu un match, elles sont qualifiées. Et puis l'équipe 1 continue avec des jeunes qui montent et puis des filles qui viennent, parce que c'est vrai que quand tu es dans le haut de l'affiche, on donne une bonne, je pense qu'on transmet une bonne image dans le rugby féminin, et quand les filles ont envie de venir jouer à Montpellier, quoi. Donc ouais. les petits manques qu'on a, par petites touches, on arrive à faire venir. Est-ce que j'allais vous demander des demandes, hein. Comment on recrute des filles vu qu'elles sont pas professionnelles? Donc déjà il y a la bonne image du club, les trophées. Je pense que c'est hyper important, et le bouche à oreille, les filles entre elles savent ce qui se passe dans les clubs. Voilà, c'est ça qui est super important. Elles ont envie d'aller là parce que paraît que ça se passe bien. Je crois que les premières années, on a du mal à recruter. On donne beaucoup de coups de téléphone pour très peu de résultats. Et puis l'image qu'on a voulu donner a été bonne, et c'est un tout petit milieu. Oui. Donc ça se sait vite, toute la France du rugby féminin le sait vite. Et l'année d'après, on commence à recruter ce qu'on voulait recruter avant, quoi. Ouais, je vois. Et ça perdure, quoi. Puis on répond. Maintenant on répond. On répond aux appels, aux piquets qui sont envoyés, c'est l'hyper tendu. Oui, je vois. On répond. Et avant, c'est vous qui les lanciez. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on en lançait. Ouais. Ok. Et du coup, quelles sont les conditions des joueuses de l'équipe première? Elles travaillent à côté? Alors, elles travaillent toutes. Oui. Donc, les internationales bénéficient du statut semi-pro avec les contrats fédéraux. D'accord. Ce qui leur permet de travailler à mi-temps à Montpellier. Et d'être libéré pour les stages. Et puis d'avoir un peu de temps de récup, mais finalement on s'aperçoit que les stages leur prennent beaucoup de temps, et que quand elles sont sur Montpellier, elles sont sur des semaines à plein temps en fait, dans leur boulot. C'est des mi-temps déguisés, c'est mi-temps déguisés. C'est lissé sur l'année. C'est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer. Mais enfin bon, déjà c'est quand même une avancée. C'est une belle avancée. Ouais. Parce que moi je me rappelle quand je pars de Montpellier en 2013, je parle avec un dirigeant des féminines. Il me dit on est en train de négocier pour qu'elles aient des primes de feuilles de match l'année prochaine. Alors nous quand on arrive, elles sont championnes de France. Zéro toujours. Ouais. Elles gagnent donc la finale, enfin on la gagne. Les aide à la gagner, mais c'est elles qui ont gagné surtout. Et elles touchent 35€ pour la finale. Voilà. Et pour la saison. Donc ça fait partie des choses qu'on a négociées en disant on veut bien continuer, mais on ne peut pas regarder les filles en face si on continue comme ça. Je crois que ce qui nous a révolté, c'est que on a une maman dans l'équipe, on n'en a pas qu'une, mais entre autres, qui faisait garder ses enfants pour venir à l'entraînement. Donc ça lui coûtait de l'argent de venir s'entraîner. Et on a eu l'avantage avec Patrick de connaître, enfin moi j'ai connu les deux, mais des mondes amateurs. Et à un moment donné, même dans le monde amateur, il y a des aides, quoi. Et je crois qu'on a eu cette volonté de dire non, il faut aider les filles plus que ça. Ouais. Voilà, donc on a mis en place des nouvelles structures d'entraînement où on a un peu plus étalé les entraînements. Elles en faisaient deux heures et demie, où on est passé à 3 de 1h30, plus la préparation physique, plus les créneaux de musculation qu'on a mis en place, mais en contrepartie elles ont eu des indemnités, quoi. Oui. Donc aujourd'hui une internationale à Montpellier touche 350€. Ouais. Une joueuse titulaire du groupe 250, et puis celles qui font partie du groupe elles sont à 150. D'accord. Voilà. Et vous avez combien de joueurs justement dans votre effectif? 40. Ouais. Et combien ont joué cette année? 36 ou 38, je sais plus. Ouais. Mais après, c'est de longues blessures qui vous empêchent d'avoir aligné la personne. C'est ça. Oui, je comprends. Et justement, je voulais vous demander, donc là, on est avant la dernière journée du championnat. Vous avez eu 13 matchs, petite stat, 13 matchs, 13 victoires, 12 bonus offensifs, score moyen de 50-7 pour vous. Donc les questions que j'ai, c'est plus par rapport au management. Comment est-ce qu'on motive les filles? Comment est-ce qu'on les concerne? Comment on les garde sous pression? Je crois qu'on a la chance déjà d'avoir un super groupe. Ouais. Un groupe qui est... Ce sont des compétitrices qui aiment gagner. Je pense que nous aussi, on adore gagner. Et rien que ça, déjà, c'est super important. Donc, c'est beaucoup plus facile dans le management de quand on a ce genre cette de... bonne base. Ouais, cette bonne base. Et après, voilà, bah, il suffit de bien travailler la semaine. Enfin, on n'est pas trop sur des objectifs de... à se dire il nous faut tout gagner. On n'a jamais été sur des objectifs de tout gagner. On leur dit toujours, et ça je pense que ça contribue à, c'est, on leur dit toujours, le résultat n'est que la conséquence de tout ce qu'on fait avant. Le jour du match, comment tu te prépares le jour du match, mais cette préparation-là, elle dépend de tout ce que tu as fait avant, hein, y compris avec tout. Okay. On est toujours là-dessus. Après, je crois que les filles, elles ont une grosse conscience de qu'il est important qu'elles soient actrices de leur propre développement si elles veulent que le rugby et que la vision qu'on a du rugby évolue, du rugby féminin bien sûr. Elles sont vachement attentives à ça et elles sont très actrices là-dedans. Et elles savent qu'elles ne peuvent pas se relâcher à ce niveau-là. Si elles se relâchent, si ça commence à être des matchs pas intéressants, elles savent que pour plaire, il faut gagner, mais qu'il faut faire du jeu intéressant, que ce soit plaisant, qu'il faut attirer du monde pour venir les voir, que ce soit des spectateurs ou des sponsors ou quoi. Elles savent que pour intéresser, il faut multiplier le jeu. Oui. Voilà. Et elles savent que pour arriver à ça, à cet objectif de contenu, il faut beaucoup de travail. Et les différents facteurs de la performance, alors on est là pour la rappeler régulièrement, attention, là on n'est pas sur le chemin vers lequel on veut aller. Voilà, il y a ça. Et puis ensuite, on a un groupe, comme disait Olivier, où elles sont hyper performantes parce que c'est extrêmement différent. Tu as des filles de 36 ans, celle qu'on a dit, il y a des filles de 18 ans, il y a des filles qui ont connu déjà 3 Coupes du Monde, il y a des filles qui découvrent le haut niveau. Voilà. Et cet amalgame-là, il est extrêmement performant parce que celles d'en haut, elles ont une capacité à donner l'exemple et donner l'envie et donner les bons moteurs qui vont te faire travailler. Et de recadrer même. Et de recadrer, voilà. Tu verrais, nous on fait rien. Hein. C'est elles qui se recadrent entre elles. Et c'est les anciennes qui recadrent les jeunes. Et puis petit à petit, alors les jeunes, soit elles rentrent, soit elles ne rentrent pas. Mais si elles ne rentrent pas, c'est pas grave. Il y en a tant. Oui. Et voilà. Et comme ça, chacun. Et puis elles savent où elles veulent aller, c'est aller gagner un 8e titre. Quoi. Ça, pour elles, c'est clair. Elles savent qu'elles sont. Au bon travail, si on doit mettre 80 points, on met 80 points, mais on travaille pour qu'au mois de mai, personne ne nous emmerde. Voilà. Ça, la question des filles, c'est pas comment tu peux les garder sous pression, c'est. Comment tu leur amènes un projet où elles sont parties prenantes. Le truc des filles, moi je crois que ça fait 8 ans. Alors je ne sais pas si c'est. À 8 ans, il y a eu pas mal, je crois qu'il y en a plus de 3 ou 4 avec qui j'ai commencé. Mais et c'est pas un groupe, du coup, c'est plusieurs groupes. Elles ont toujours été partie prenante de aller au bout, mener à bien un projet. Et à chaque fois, le projet que les différents entraîneurs ont su leur amener, à part une fois où voilà, il y a eu un petit couac, parce que justement le projet ne leur plaisait pas, c'est elles qui ont recadré le truc. Elles ont été parties prenantes, elles l'ont mené à bien. Mais une fille, en fait, si tu leur montres un objectif où elles veulent y aller, et tu leur montres que tu peux les amener et que tu peux les amener, elles n'ont pas besoin que tu les motives, que tu leur montres le chou. Je pense que ça, c'est une psychologie forte de la pratique féminine, c'est que elles savent où elles vont, elles savent où elles veulent aller, et si toi, tu es avec elles, elles te suivent les yeux fermés. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de repères, des choses comme ça, quelques légers recadrages. Elles demandent juste des conditions optimales et un guide. Et après, ça suit les filles. C'est ça qui est bien. Après, c'est pour ça que j'y suis encore. Hein. Je pense que tout le monde aimerait avoir conditions de travail et un public comme ça aussi facile. Ouais. Après, on peut dire qu'elles sont chiantes et rigoler et faire tous les amalgames qu'on peut, mais c'est quand même un super public. Et justement, quelles sont ces autres particularités à ce public-là? Ça pose beaucoup de questions. Ouais. Ça veut... Alors la première année, on m'avait demandé, et j'avais dit, ça cherche le pourquoi du comment, mais c'est exactement ça. Tu vas leur dire de faire ci, de faire ça, alors que ce soit sur de la stratégie ou sur du physique, pour faire tant d'allers-retours, où il faut ramener le jeu ici par tel moyen, le jeu au pied déplacé. Oui, mais pourquoi? Tu ne penses pas que c'est mieux comme ça? Une fois que tu l'as argumenté et qu'elles savent que pour toi tu le penses et que tu as bien défini le pourquoi du comment, elles le font. Elles ont besoin de sens. Elles ont besoin de sens et de cadre. Ouais. Elles ont besoin de savoir pourquoi elles le font. Une fois qu'elles le savent, si elles sont parties et prenantes du projet, elles le feront. Si elles ne sont pas d'accord, elles te le diront. Mais si c'est établi que tu peux les amener là où elles veulent, bah même si elles ne sont pas d'accord, elles le font, finalement. Ouais. C'est vraiment après, si vraiment il y a des gros couacs, bah, en 8 ans, il y en a eu un seul. Hein, mais, donc ça avait poussé un petit putsch des entraîneurs, mais sinon ça suit. Et toi, Patrick, tu as entraîné des garçons aussi, plus que toi, Olivier, tu as entraîné plus un public féminin. Eh bien maintenant, ouais, je suis passé de l'autre côté. Hein. Ouais. J'ai fait 4 ans chez garçons et 5 ans chez filles. Donc. Bon, mais du coup, je vais demander votre avis à tous les deux. Il y a vraiment une distinction au niveau du pourquoi, du comment. Oui, moi, je comment des garçons. Vraiment, ce que vient de dire Robin, je suis entièrement d'accord. Ça veut dire qu'une fille, tu peux lui mettre n'importe quelle situation pédagogique. Si elle n'arrive pas à le reconstitutualiser dans le match, elle ne voudra pas le faire, quoi. Comment on voit. C'est ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, il faut vraiment leur expliquer pourquoi on fait ce genre d'exercice. Alors, au début, ça surprend quand t'es coach, surtout quand t'arrives des garçons. Et puis après, tu te dis, bah non, on va gagner du temps parce qu'elles comprennent ce qu'on fait, ce qu'on veut voir surtout. Et à partir de là, t'avances vachement plus vite. À tel point que des fois, quand on oublie de. Quand on présente une situation et qu'on n'a pas contextualisé, c'est-à-dire on n'a pas dit là on essaye de vous faire travailler le moment où dans le match on se trouve dans cette situation, voilà, on essaye de la recréer, alors il n'y a pas les soutiens intérieurs en défense, etc. Donc c'est pour ça que vous allez pas, on ne va pas vous demander de percer intérieur, on va vous demander de jouer extérieur parce qu'on travaille ce moment-là. Si on ne leur a pas bien expliqué ça, elles font des trucs, puis ouais, mais tu nous as pas dit qu'on pouvait pas le faire. Ouais, mais là, je veux vous travailler là parce que on travaille cette. Ouais, alors dis-nous-le. Ah ouais, alors moi, je sors un cas particulier du match et on va le travailler là. Ah d'accord, alors là, et là, ça fonce. Ok. Faut vraiment. Contextualiser. Ouais, contextualiser. Okay. Je me rappelle, les tout premiers entraînements, elles venaient nous voir à la fin, elles nous disaient le dernier exercice qu'on a fait là, il fallait faire ça. Ouais, d'accord. Et alors pourquoi tu nous as fait le premier là, au tout début de l'entraînement? Quel rapport il y avait avec ça? Et si tu ne mettais pas le lien, eh ben, elles n'auraient pas pigé. Quoi. La cohérence pour elles, c'était du début à la fin, tu nous as dit qu'on faisait un thème défense, où est le lien entre tous les... C'est intéressant les différents... quoi. Ah ouais, ouais, c'est... Ah ouais. Là tu te dis, ça putain... Ça fait creuser la tête. Ah c'est, ouais, ouais. C'est là que tu te dis, ouais, ouais, putain, on va pouvoir... Si elles sont là-dessus et si elles percutent là, on va pouvoir avancer. Ah ouais, totalement. Alors bon, je pense que nous j'étais des fleurs, mais en 3 ans, le projet de jeu, il s'est complexifié. Hein. Ouais. On a pu vraiment avancer. Quoi. Et après, je crois que la grosse différence, c'est qu'elles sont beaucoup plus au départ scolaire que les garçons. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça veut dire quand vous vraiment récitez ce que tu leur as donné à l'entraînement, et c'est vraiment la grosse différence avec les garçons. Alors je sais que les Japonais sont aussi très scolaires, garçons. Mais voilà, s'il y a une comparaison ou une différence, ça serait ça. Quoi. D'accord. Et là. Maintenant, c'est le plus dur, c'est de faire changer cette mentalité-là. Amener un peu de liberté créatrice. Exactement. Ouais, voilà. Ouais. Tu compares, parce qu'on est dans le niveau scolaire aussi, tu compares un carnet tenu par un garçon, un carnet tenu par une fille. Tu sais au premier coup d'œil qui est celui de la fille, qui est celui du garçon. Le garçon, il va avoir des ratures, ça va être à droite, à gauche, pas forcément bien linéaire. La fille, généralement, alors c'est des amalgames, mais c'est criant de vérité, c'est bien souligné, c'est bien souligné, c'est entre les lignes. Et bien, la mentalité qu'on retrouve chez les filles du rugby, en tout cas, c'est la même chose. Quoi. Et ouais, c'est ce qu'ils disent maintenant, c'est amener cette part de folie qu'on a chez les garçons, un peu de French flair. Ouais, de liberté. De liberté. De liberté. Ça, c'est dans le projet. Ça, c'est dans le projet. Oui, oui. Je saisis bien. Je saisis bien la nuance. Et du coup, là, vous me dites que vous avez un groupe. Super investi, qui fait attention et qui se recadre de lui-même. Mais du coup, comment on fait pour continuer à s'améliorer? On peut toujours s'améliorer. Oui, d'accord. Il y a tous les facteurs de la performance. Hein. Ouais. Que ce soit la physique, que ce soit la technique. Techniquement, on continue de travailler des ateliers techniques. On fait nos gammes à chaque entraînement. Quoi. C'est une gamme, c'est quelqu'un vient de voir, il dirait, mais attends, vous faites encore ça? Ouais, on fait ça. Et puis, elles disent rien. Alors, bon, pour la petite histoire, on a une grosse batterie d'exercices, une quinzaine, voilà, qui sont, on leur dit en début d'année, on les appelle, on leur a donné des noms à chaque atelier. Voilà. Et puis là, elles en avaient un peu marre qu'on choisisse, donc elles ont trouvé un petit jeu où c'est elles qui choisissent à la fin de l'entraînement les ateliers qu'on va mettre en place, les premiers de l'entraînement suivant. Donc c'est la routine qui est en entraînement, c'est ça? Ok. On a une routine de passe, si tu préfères, qu'on met enfin chaque début d'entraînement, et on le répète aussi sur de la fatigue à la fin. Ok. Et là, c'est elles qui choisissent. Et elles ont, qui choisissent donc, elles ont carrément dans le cadre, elles choisissent. Ah, c'est énorme. Avec des numéros et en fonction des numéros qui tombent. Ah, on démarre par ça la semaine prochaine. Ouais. Et donc, du coup, elles sont appropriées le truc. Quoi. Ouais, c'est énorme. Elles fonctionnent beaucoup comme ça, à s'approprier. Nous, notre truc, c'est qu'il faut qu'elles s'approprient le maximum du projet de jeu qui est fait de repères de jeu. Quoi, oui. En fait. Je pense que la première année, quand on a récupéré l'équipe, on a donné le cadre, les directives, et puis on était très simple. Tu vois, les touches, il n'y en avait pas 15, machin, ceci, cela. Et puis au fur et à mesure que les années ont passé, on s'aperçoit on essaye surtout, on essaie de le maintenir, c'est quasi de la liberté dans le projet. C'est-à-dire que c'est elles qui vont commencer à créer les touches, c'est elles qui vont se dire ça marche pas en match. Nous, c'est ce qu'on vit un peu cette année parce qu'on avait un entraîneur des avants qui a dû rentrer, il est anglais, il a dû rentrer en Angleterre parce que sa femme était malade. Donc dès fin septembre, dès la fin du quatrième match, donc jusqu'à mars, on avait toujours les mêmes touches. On commençait à être lu, on avait marre aussi un peu. Et là, notre capitaine de touche, il en a trouvé rien que 4-5 variantes, c'est génial. Et c'est trop trop génial. Et c'est vrai que ça nous rend responsables. Et on s'auto-corrige, on comprend ce qu'on doit améliorer. C'est vrai que c'est intéressant. Et même, je voulais dire, par rapport à ce que tu disais au début des touches, là, nous, on n'avait que des touches à 5 jusqu'en janvier. Hein. Mais on les a très bien maîtrisées, on est passé à 6 plus 1, à 7, et voilà. On parle de la lecture de l'adversaire, c'est ce qu'on n'arrête pas de leur répéter, parce que on est lu constamment. Chaque week-end, c'est filmé. Tous les clubs ont accès à une plateforme fédérale. On leur dit, mais c'est simple, si vous faites bien les choses, on peut être lu. Bien sûr, vous avez le temps d'avance. Exactement. On attaque, on a le temps d'avance. Simplicité, vitesse. Ouais. Ouais, c'est cool. Et je vais regarder un peu mes questions que j'ai préparées. Et selon vous, c'est quoi la plus grande progression qu'ont connue les filles depuis que vous les entraînez? Alors, honnêtement, moi, je pense que techniquement, c'est le jour et la nuit, avec ce qu'on a connu il y a 4 ans. Ouais. Justement, grâce à ces exos de passe. Oui, entre autres, mais la qualité de passe, le jeu au pied, la longueur du jeu au pied qui est totalement différent. Et puis la qualité des passes, quoi. Enfin, c'est plus du tout. On avait vraiment un jeu très restrictif les premières années. Et puis. Donc c'était avec Patrick la réflexion qu'on s'était donné. C'était pas du tout notre vision du jeu. Ouais. On voulait avoir un jeu de mouvement, etc. On s'est dit, pour y arriver, il va falloir trouver soit les filles qui correspondent à ce qu'on veut faire, soit les faire bosser en plus. Quoi. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de faire des passes, des passes, des passes. Cette amélioration technique, là, elle a permis une complexification du jeu. C'est-à-dire, avant, c'était beaucoup de ballons portés, il y avait très peu de jeux au pied. Et quelques clubs qui jouaient un peu en se faisant des passes, mais tu défendais bien, tu les contrôlais. Oui. Et maintenant, ça a évolué. Il y a beaucoup plus de leurres, il y a des courses dans le dos, il y a du jeu dans le dos. C'est une alternance de jeux de ballon porté, de jeux dans l'axe, hein, une alternance de jeux au pied. Je vois le dernier match qu'on fait, les 4 premiers essais, c'est 4 passes au pied. Quoi. Oui. Donc, par dessus, en diagonale, des jeux au pied de pression où tu récupères la balle, tu marques. Enfin, bon. Ça n'existait pas avant. Donc il y a tout cet éventail de jeux qui s'est vraiment élargi. Et alors à quoi c'est dû? C'est dû à l'amélioration technique, à l'amélioration de la préparation physique. Donc depuis qu'elles font 2 séances ou 3 certaines de muscu, quand elles mettent les mains sur une balle, ça arrache. Quoi. Et puis ça joue et on joue très vite tous ces ballons de la longueur de passe, hein, tout simplement. Donc dans la compréhension du jeu, de qu'est-ce qu'on fait, elles ont évolué aussi. Enfin, c'est aussi un facteur de performance, la connaissance du jeu, et elles ont énormément évolué là-dessus. Ouais. Après, globalement, elles se sont améliorées sur tout. Ouais. Et ce qui a permis ça, c'est aussi la multiplication de créneaux à la disposition. Ouais, parce qu'avant, elle passe de 2 créneaux, tu disais, de 2h30. Et maintenant, tu disais 5, mais pour certaines, c'est presque 7 ou 9. Ouais, ouais. Alors, on a toujours gardé les 2 entraînements de rugby, mais surtout, on a enlevé le physique du rugby. Donc, quand elles viennent au rugby, elles font que du rugby. Ouais. Elles viennent pas avec ce moment d'échauffement, ouais. On va faire des blocs de 15-15, de 30-30. Alors, j'ai commencé comme ça, puisqu'on avait 2 entraînements. Mais et sur, donc ils, eux, ils peuvent mieux travailler puisqu'ils font des échauffements avec des skills, avec des attrapés passés, des choses comme ça. Donc ils ont beaucoup plus de temps pour voir des détails. Donc je pense qu'ils ont réfléchi comme moi. Ils se sont dit là où ça pêche, on va essayer de travailler. Une fois que ça pêche plus, qu'est-ce que je peux améliorer d'autre? Et globalement, ça amène à elles font des passes, elles vont jouer au pied. Alors maintenant qu'elles jouent un peu plus au pied, ben, on gagne de la longueur, on gagne de la précision. Mais en termes physiques, elles arrivent à. Bon, le gros point noir, c'était se relever vite. Ouais. Avec, une fois que c'était au sol, vous n'avez pas enchaîné trop de temps de jeu. Et ce qui est permettre de mieux s'entraîner permet de mieux faire les choses. C'est vraiment le gros moi, point positif que j'ai vécu avec les filles, c'est ça. La séparation des entraînements, ça nous a permis vraiment de, que les filles soient vraiment concentrées quand elles viennent au rugby. Quoi. Mmh. Et pas caser les pêtes d'amolcles au-dessus de la tête. On pas faire en physique. On a encore une demi-heure de physique à la fin. Là, et va courir. Ça va nous tuer. Ça va nous tuer. Je vois. Bon ben merci les gars. Merci à toi. C'était cool. Merci à toi. Et bonne chance pour les phases finales. Ouais. Donc qui auront lieu début mai il me semble. C'est bien ça, le 4 mai. Quart de finale à domicile contre Grenoble. D'accord. Et du coup après si... Après c'est une demi-finale sur terrain neutre. Ouais, les week-ends qui suivent. Le 11 et 18. Ce serait le vainqueur de Bayonne Romania. D'accord. Ouais, ça enlève. C'est acté. Oui. Bayonne-Romania, et après la finale à Tarbes, c'est bien ça? D'accord. Si. Oui, oui, bien sûr. On vous le souhaite en tout cas. Et j'espère publier l'épisode à cette occasion-là. D'accord. Voilà. Bah, je vous remercie. Bon match demain contre la Suisse. Merci. Allez. Bien. Merci les gars.